Dis-moi tout, troisième niveau. Documents oraux. Centre noir. Leçon 2, activité 2. La danse aérobique. Berlin tout s'amuse comme un fou, en sautant comme un kangourou. Clafoutis le suit avec rythme. C'est une danse aérobique. 1, 2, 3, 4. Plus haut, plus haut, plus haut. Clafoutis lève les bras si haut. On dirait les ailes d'un oiseau. Berlingo a l'air d'un robot. Essoufflé, il est rigolo. 1, 2, 3, 4. Plus haut, plus haut, plus haut. Avec Berlingo et Clafoutis, allons-y avec énergie. Tous ensemble, on a réussi nos exercices pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ouf. Leçon 2, activité 3. Berlingo et Clafoutis font de la danse aérobique. Étendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Étendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Étendez. On relaxe, on relaxe, on relaxe, on relaxe. 1, 2, 3. Alors, comment tu te sens, Clafoutis? Je me sens bien. Pendant les vacances, j'ai mangé de bonnes choses, comme des fruits et des légumes. Mais j'ai mangé aussi un peu trop de chocolat. Et moi, Clafoutis, j'ai mangé un peu trop de gâteaux. Ce n'est pas trop grave. Avec quelques exercices, tout va rentrer dans l'ordre. Tu as raison, Clafoutis. Mais quelques cours de danse aérobique, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi bien se nourrir pour rester en forme. Leçon 3, activité 3, une bonne alimentation. Pour dîner, j'ai mangé des carottes, du melon, du céleri, du poisson. J'ai mangé du bon pain frais, j'ai bu un bon verre de lait. Et j'ai marché pendant longtemps, je suis en forme, je suis content. Leçon 5, activité 2. Le chat de Natacha. Quand Natacha passe son chat, c'est tout ce qui lui arriva. Sa chat, son chat s'échappa. Comme ça. Quand Natacha passe son chat, c'est tout ce qui lui arriva. Sa chat, son chat s'échappa. Comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quand Natacha passe son chat, c'est tout ce qui lui arriva. Sa chat, son chat s'échappa. Comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quand Natacha passe son chat, c'est tout ce qui lui arriva. Sacha, son chat s'échappa. Comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Leçon 6, activité 1. Berlingot à la patinoire. Bizarre, bizarre, notre ami Berlingot. Aujourd'hui, il a décidé de faire deux activités. Et vous savez quoi? Il a décidé de les faire en même temps. Regardez-le mettre un patin à un pied et un ski à l'autre pied. Vous avez déjà vu ça? Et voilà Berlingot qui arrive sur la patinoire. Quel acrobate! Il réussit à glisser un coup sur le patin, un coup sur le ski. Tout le monde le regarde et rit. Mais pour tourner, ce n'est pas facile. Berlingot tombe souvent par terre. Soudain, Berlingot a une idée. Il s'assoit sur son ski et demande à des enfants de le pousser. Tout le monde s'amuse follement. Vraiment, notre ami Berlingot a toujours plein d'idées folles. Leçon 7, activité 2. En forme. J'ai de bonnes idées pour vivre en santé. Courir, jouer au hockey, skier, patiner, marcher, bien m'alimenter. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. J'ai de bonnes idées pour vivre en santé. Jouer au volley-ball, au basket-ball, nager, ne pas trop manger. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. En forme. Leçon 8, activité 2. Je fais de l'exercice. Je fais de l'exercice. 1, 2, 3. Je fais de l'exercice. Je lève les bras. 4, 5, 6. C'est amusant. 4, 5, 6, je suis content. Je me sens bien, je me sens mieux, je me sens fort, je suis heureux. Je fais de l'exercice. 1, 2, 3, je fais de l'exercice. Je respire bien. 4, 5, 6, c'est amusant. 4, 5, 6, je suis contente, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens forte. Je suis heureuse! Leçon 9, activité 2. Hier soir, sur le trottoir. Hier soir, sur le trottoir, il faisait froid, il faisait noir. Je me suis dit, ma foi, c'est la dernière fois que je passe ici le soir. Bonsoir. Hier soir, sur le trottoir, il faisait froid, il faisait noir. Je me suis dit, ma foi, c'est la dernière fois que je passe ici le soir. Bonsoir. Hier soir, sur le trottoir, il faisait froid, il faisait noir. Je me suis dit, ma foi, c'est la dernière fois que je passe ici le soir. Bonsoir. Hier soir, sur le trottoir, il faisait froid, il faisait noir. Je me suis dit, ma foi, c'est la dernière fois que je passe ici le soir. Bonsoir. Leçon 11, activité 2. J'aime les sports. J'aime les sports, dedans ou dehors. À chaque saison, un nouveau décor. J'adore les sports, c'est bon pour mon corps. Je fais du sport, encore et encore. Quand arrive le printemps, c'est très excitant. Je joue au ballon, en faisant des bonds. En patin à roulette ou à bicyclette, je vais voir les ruisseaux, les nids d'oiseaux. J'aime les sports, dedans ou dehors. À chaque saison, un nouveau décor. J'adore les sports, c'est bon pour mon corps. Je fais du sport, encore et encore. Bientôt c'est l'été, tout ensoleillé. J'apprends à nager, aussi à plonger. Avec mes amis, je vais pique-niquer dans les prés tout parfumés. J'aime les sports, dedans ou dehors. À chaque saison, un nouveau décor. J'adore les sports, c'est bon pour mon corps. Je fais du sport, encore et encore. Et quand vient l'automne, la nature frissonne. Je marche dans les feuilles, je nourris les écureuils. Je cours dans le parc avec mon chien Max. Tous les deux, on est heureux. J'aime les sports, dedans ou dehors. À chaque saison, un nouveau décor. J'adore les sports, c'est bon pour mon corps. Je fais du sport, encore et encore. De nouveau, c'est l'hiver, et c'est boule de neige. Je fais du patin et du ski alpin. J'aime bien m'amuser à me laisser glisser sur les pentes enneigées. J'aime les sports, dedans ou dehors. À chaque saison, un nouveau décor. J'adore les sports, c'est bon pour mon corps. Je fais du sport, encore et encore. Leçon 12, activité 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour être en forme, qu'est-ce qu'on peut faire? Manger des épinards. Pour être en forme, qu'est-ce qu'on peut faire? Boire du lait. Pour être en forme, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauter à la corde. Pour être en forme, qu'est-ce qu'on peut faire? Aller en patin. Pour être en forme, qu'est-ce qu'on peut faire? Leçon 13, activité 1. Je ne peux pas. Bonjour Barbara. Peux-tu venir patiner avec moi cet après-midi? Non, Clafoutis, je ne peux pas. Je vais faire du ski de randonnée cet après-midi. Bonjour Luc. Est-ce que tu peux venir patiner avec moi cet après-midi? Non, je ne peux pas. Je vais au supermarché avec mon grand-père. Bonjour Marie. J'aimerais que tu viennes patiner avec moi cet après-midi. Je ne peux pas aller patiner avec toi. Je vais à la piscine avec mon père. Allô? C'est toi, Paco? Tu viens patiner avec moi cet après-midi? Je n'ai pas le temps, Clafoutis. Je vais faire de la danse aérobique. Bonjour, Pierre. Est-ce que tu peux venir patiner avec moi cet après-midi? Oui, j'arrive. Enrichissement écoute. Activité 1. Thomas veut faire du ski. Thomas regarde une skieuse qui descend la pente du ski. Thomas a hâte de descendre la pente. Il se prépare. Il met ses skis sur une épaule et ses bâtons sur l'autre épaule. Il glisse ses mitaines sous un bras et sa tuque sous l'autre bras. Mais comment va-t-il faire du ski? Il recommence. Il accroche sa tuque sur un bâton, puis pose l'autre bâton sur l'épaule gauche. Il glisse ses skis sous un bras et ses mitaines sous l'autre bras. Mais comment va-t-il faire du ski? J'ai une idée, dit Jennifer en riant. Pourquoi ne mets-tu pas ta tuque sur ta tête, tes mitaines à tes mains et tes skis à tes pieds? Tu pourrais alors faire du ski. Comme tu es drôle! S'écrie Thomas.